le sort d'y repenser. Souvent, la tête dans les étoiles rêvassant. Souvent, cette heure qui tarde me laisse insensé. Souvent, la quête de l'espoir est lassante. Souvent, mélancoliquement infini. Souvent, tendrement sublime, tu l'es tout le temps. Délicatement se fait un nid, attendant la fin de cette douce et longue pluie. La quête de l'espoir est lassante.